ça c'est un séjour. Séjour ? Moi j'ai trouvé ça dans la maqad, c'est un siège. C'est un loup, je te crois. Ah ouais. Je sais pas, il y a séjour, je sais plus. Dans le cadre, il y a qui veut dire s'asseoir aussi. Adorjo Anzafu Minas Saboura. Non. Maman Saboura. Tableau. Non. Arabien. Al-Arabou Minal Mekhtaba. Non. الكتابة أصعب من القراءة. أيوه. أي القراءة أسهل من الكتابة. طيب أحسنت له. الخطبة الخامس هكذا؟ نعم. أكمل كلمة النموذج يعني عليكم أن تملئوا الفراغات وبعدهم. أولا نعم هذا المنزل من أبعاد المنازل. نعم. هذا المجلس من أمتع المجالس. هذا الملعب من أصغر الملاعب. نعم. هذا المكتب من أوسع المكاتب. هذا المسكن من أفضل المساكن. هذا المعهد من أقدم المعاهد. هذا المطعم من أفضل المطاعم. الآن عليكم أن تأتوا بصيغة التعجب. يفهمني عليك لفهم الإسلام. طيب الجملة الأولى. ما أكبر هذه الناقلة. نعم. ثانيا. ما أسهر هذا الميناء. ما أمتع هذه الرحلة. ما أنظف هذا المجلس. ما أثقل هذه الحقيبة. ما أجمل هذا المكان. ما أوسع هذه المسافة. مسافة على ديستانس. ما أسرع هذه الدرجة. هذه الدرجة. دراجة. هذه الدراجة. نعم. طيب. هذا مفهوم. ثامنا. موضوع الخطبة. الجملة الأولى. ثقف السفن. لا. تقف السفن في الميناء وهي مختلفة. وهي مختلفة الأشكال وأحجام. والأحجام. نعم. الأحجام. نعم صحيح. بعض السفن تحمل مفتة. نعم. وبعضها تحمل بضائع. نعم. هذه ناقلة تنقل مجرمي نفط ولا ركاب. Ouais, parce qu'en fait, dans la phrase d'avant, vous pouvez mettre au. نفتو ركاب صوت منه ركاب بي على بس تفهم لا لا تبيش بت هذه ناقلة تنقل النفط يا لها من ناقلة من ناقلة سخنة ضخمة تنقل ضخمة transporter maintenant. D'accord, là c'est une ferraille, on sait, c'est un cargo qui transporte. Ouais, mais le tenkilo, on n'a pas vu ça. Si. On a vu Tabala, on a vu. On a pas vu. Ouais, je crois pas qu'il était d'accord là. Non, mais dans le texte, il y est, je crois. C'est pour ça qu'on y a un nouveau mot, vous ne connaissez pas, vous cherchez. Alors, bien. Il faut connaître l'origine et tout, parce que ce conjugué, il n'y a pas. Moi, je ne l'ai pas dans mon dictionnaire, je crois. Comme ça. As-safaru bis-safinati yaqudu waqtan tawilan walakinahu riwayatun mumti'at. Je n'ai pas compris. Walakinahu. En fait, c'est. Walakinahu, ça veut dire. C'est Walakin. Non. Mais il revient à quoi, le ou là au voyage Non, au voyage. Je ne veux pas que vous pouvez mettre un admire sur le papier. عنوان وسائل السفر وسائل سلو جنب وسيلة وما ليس كوا وسيلة طيب نطلب عن وياج جون فاسبور الكلمات جديدة إنسان إنسان بعد السلام لما تسير دماغ Je ne crois pas d'Alif. Si, Alif. Insan. Akodamun, c'est le djem de Qadam, c'est-à-dire pied. Akodamun, c'est le djem Qadam, qui veut dire pied. Akodamun. Zuhurun, le djem de Zah, qui veut dire le dos. الظهور فالظهر يولي الضوء حيوانات على جمع حيوان كيولي انيمو حيوان سي انيمال حيوانات سي انيمو حيوانات حيوانات Rien qui a pris le On ne voit pas bien. Hein? On dira pas. Ouais, non, c'est deux, c'est un rien. Ta'abel, c'est la fatigue. C'est le mazal de Ta'abel, Ta'abel, Ta'abel. Ta'abel. Je connaissais qu'il se coule Ta'ab. Je connais pas Ta'ab. C'est le premier mot qu'on entend à la vache. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de tarab, je pensais qu'il faut qu'on soit le rein. Tarab, je ne pensais pas tarab. Je ne sais pas si c'est une erreur. Il n'y a pas. Tarab, c'est pas malade. Non, c'est une fatigue. Ça peut être aussi malade, mais c'est la fatigue en général. Hadir, là, ce qui évolue, c'est le présent, le temps actuel. À la base, c'est le ism fa'il de Hadar Yahdoru, qui veut dire venir se présenter. Mais l'accent voulu, le waqt al hadir, c'est le temps présent. Être présent, en fait, non c'est pas être présent. Là, dans le texte, c'est le temps présent. Comment ça va venir? تقدم تقدموا على بس سافونسي et dans le texte il veut dire quoi évoluer تقدم تقدموا يتقدم يقدم يتقدم فعل فعل أخذ يأخذ ça veut dire prendre et là entre parenthèses ils ont mis istaraka et en fait le mot prendre أخذ يأخذ c'est pas comme le fait de saisir c'est le fait de contenir et ça ne va pas dans le texte inchallah bien qu'en français le mot prendre là, il vient pareil on peut l'utiliser pareil. Bariya, c'est terrestre. Bariya, c'est terrestre. Il y a un verset où il y a ce. Oulaïka Moucharou Bariya. Même. Fil surat al-Bayyina. Bahriya, c'est maritime. Bahriya. Qui veut dire au Bahra. Roha, à côté c'est Roha, c'est au fort, au repos. Roha, c'est quoi ça? Il y a quoi là à la fin? C'est un thème à l'autre. Roha, tout le monde. C'est quoi ça? Il y a quoi? Confort, au repos. Ah. طيب متعة يعني plaisir ou chose agréable ça vient de ممتعة comme vous l'avez pris non dire رحلة ممتعة réjouissante plaisante متعة c'est la même origine mais il y a une différence entre les deux il y en a c'est اسم فاعل il y en a c'est مصدر il y en a c'est ça mais là c'est la même origine de mot. وسائل on a déjà dit c'est جمع وسيلة qui veut dire moyen بلد معروف pays ou terre contrée région même راكب معروف passager قصير معروف dire court et la كان يكون كان يكون هذا فعل c'est verbe être. Kana c'est été, Yakuzu c'est être. Il est. Kana Yakuzu. Ça c'est être Kana. Oui. Yakuzu c'est quoi? J'ai été. C'est Boudoualia. Ah, je suis. Boudoualia de Kana. Et maintenant, ça commence dans ce lieu. La coup, Inch'Allah. Aïe. La coup. Kana al-insanu qadiman yusafiru min baladin ila baladin mashiyan ala al-aqdam ou rakiban ala zuhul al-haywanat. Donc là, comme le kana au début d'une phrase, ça l'amène au passé. Je ne dirais pas auparavant. Auparavant. Donc auparavant, l'homme, vous voyez, ce qui est appelé Kadim, Kadim, c'est-à-dire anciennement, dans le temps, voyageait de pays en pays, Bidbeled, il est Beled, de pays vers un pays, on dirait de pays en pays. Machien, Alan Akdam. Machien, c'est en marchant. Et Machien, Alan Akdam, en marchant sur ses pieds. Machien à l'abdom, c'est-à-dire en marchant sur ses pieds. Awra kiban